Yesu yonge bolingo ya solo. Yesu yonde papa malamu. Yesu yonde bolingo ya solo. Yesu yonde papa malamu. Yesu yonde bolingo ya solo. Yesu yonde papa malamu. Yesu yonde bolingo ya solo. Yesu yonde papa malamu. Bolingo, bolingo, bolingo, bolingo na yo Zambe. Bolingo, bolingo, bolingo, bolingo na yo Kolo. Eaka na bombo ira moto ye pesi ne kimia. Eaka na bombo ira moto ye pesi biano. Bolingo ye pesa na mwana Samuele. Yesu yonde yonde bolingo ya solo. Yesu yonde bolingo ya

lequel nous avons la vie. Et délivré. de louange à toi, Seigneur du ciel et de la terre. Toi qui as répandu suffisamment ta grâce dans ma vie pour que je participe à l'adoration de ton saint nom. Je viens pour t'adorer, ô roi. Reçois l'adoration de mon cœur, reçois toute la gloire et l'admiration que je t'apporte. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées, qui a suspendu sa main sur ma vie pour que je prospère sur les voies de la justice. Merci l'incomparable, merci l'incontournable, car il n'y a point de Dieu que toi, il n'y a point de sauveur que toi. Toi le soutien des âmes qui portent la semence de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Ta main touche mon être, envahit mon esprit de tes biens et tes richesses. Tu es le vrai bonheur. Je lève mes yeux vers toi, Jésus, pour te dire ce mot d'amour. Je t'aime, mon bien-aimé, reste plus près de moi. Je t'aime, je t'aime, tu es à moi, je suis à toi, Jésus, je t'aime, mon bien-aimé, mon seul appui, Jésus, où je t'aime ma vie, je t'aime, tu es à moi, je suis à toi, Jésus, je t'aime, mon bien-aimé. Jamais les jours m'en empêchent, même dans mon sommeil, je ferai de ta beauté la raison de tous mes rêves. Loin de tous les hommes, près de ta personne, dans la chaleur de tes bras, environné de tes louanges, là j'entends ton cœur qui bat, de l'amour que tu as. En dépit de tout le mal que je fais ici-bas, Jésus, tu es le seul aux yeux de l'Éternel, digne d'adoration, ma valeur à tes pieds. Quand je vois ta vie en moi, je confesse que tu es roi. La mienne n'a pas de sens quand je vis ton absence. Oui, allons, mais dans la main, au rythme de ton chant, partageant le vrai bonheur, les délices de ton royaume.